Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens parler théâtre et création. Aujourd'hui, j'ai rencontré Pierre Note. Pierre Note est un auteur de théâtre notamment, un compositeur, un metteur en scène et un comédien. Il est, depuis 2009, auteur associé et rédacteur en chef au Théâtre du Rond-Point. C'est là que je l'ai rencontré pour parler de sa mise en scène de la pièce La Magie Lente, qui se joue au Théâtre de Belleville à partir du 4 avril. On a parlé de la représentation de la psychanalyse sur scène, on a parlé de la place du spectateur, et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question, qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre ? Bonjour Pierre Note. Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du spectacle La Magie Lente qui se joue au Théâtre de Belleville à partir du 4 avril que vous mettez en scène. C'est un seul en scène interprété par Benoît Géros et le texte vient d'être publié aux éditions Actes Sud. Il a été écrit par Denis Lachaud. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec l'auteur ? Ah, j'ai rencontré Denis Lachaud il y a plus de 20 ans, peut-être 25 ou 30 ans même. Il venait de faire paraître un livre intitulé « J'attends l'allemand » aux éditions Actes Sud qui m'avait surpris, bouleversé. L'histoire d'une adolescence douloureuse. J'avais rencontré l'auteur pour l'interviewer pour un journal et j'étais très impressionné par son écriture. Nous avons à peu près le même âge, je crois. Et Benoît Giraud, que je ne connaissais pas, m'a proposé de mettre en scène ce texte alors que je n'avais pas revu Denis Lachaud, par l'intermédiaire de Jean-François Perrier, qui est une personnalité pour nous importante du théâtre, qui a pensé que nous pouvions peut-être nous entendre. Et Benoît m'a proposé de mettre en scène ce texte, que j'ai trouvé très bouleversant, très déchirant, très essentiel. D'accord. Et vous connaissiez Benoît Géros ? Non, pas du tout. D'accord. Je pense que je l'avais probablement vu jouer à une ou deux reprises, mais je ne l'avais jamais rencontré. Vous savez pourquoi il a pensé à vous pour mettre en scène ce texte-là en particulier ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Exactement. Il ne m'en a pas parlé et nous n'en avons pas parlé. D'accord. Nous nous sommes concentrés sur le texte et pas tellement sur ce que nous sommes. D'accord. Donc c'est un texte, comme vous l'avez dit, très, très poignant. Dès les 5 premières minutes, il y a quasiment toute l'histoire qui se déroule. Parce qu'elle est dite par un psychanalyste, oui, dans un monologue lors d'un colloque. Comment est-ce que vous avez pensé la mise en scène de ce texte qui livre tout au spectateur dès le départ ? C'est très difficile à dire. À vrai dire, je n'ai pas pensé à la mise en scène du texte. J'ai pensé au texte. J'ai pensé à la nécessité de le présenter, de le faire entendre, de le voir jouer, de le comprendre. J'étais très très perdu parce qu'en effet, tout est dit très vite, tout est très clair. Et puis, on a surtout affaire à trois voix, la voix du conférencier, la voix du patient Louvier et la voix du psychiatre qui prend en charge le cas Louvier qui est Kemener. Donc on a trois voix différentes, des temps différents, une révélation, on a la déconstruction d'un diagnostic et la reconstruction d'un individu. Et je n'ai jamais vraiment su comment on allait pouvoir organiser tout ça. Alors en fait, on a d'abord organisé des lectures à Avignon avec Benoît, avec deux chaises, pour essayer de faire comprendre qui étaient d'abord ces figures, l'autorité médicale, le patient, le psychiatre, le conférencier, qui étaient ces différentes figures, pour essayer d'y voir plus clair. Et au fil des répétitions, on a essayé d'organiser avant tout la déconstruction d'un individu qui est persuadé d'être schizophrène et la reconstruction d'un individu qui comprend qu'il n'est pas schizophrène, mais qu'il est bipolaire et bien d'autres choses encore plus importantes, plus lourdes, plus difficiles. Et c'est ça qu'on essaye d'organiser avec Benoît. La mise en scène, finalement, elle est très accessoire et puis elle serait... Je ne sais pas comment dire, elle serait de très mauvais goût parce que c'est une aventure très personnelle, authentique, c'est une histoire vraie, très douloureuse, extrêmement violente, dérangeante. Et il fallait qu'on organise simplement la mise à vue, en quelque sorte, d'un individu démoli, déconstruit, détruit, qui va se reconstruire. Et comment justement lier ces trois voix différentes sans du même acteur ? Eh bien, ça procède de mouvements du corps, de rythme de la parole. Ce sont trois individus qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas la même manière de dire, qui n'ont pas la même manière de positionner le corps, la voix, qui n'ont pas du tout la même manière d'exprimer les choses, et ils n'ont pas du tout les mêmes raisons non plus de les exprimer. Donc ce sont d'abord des sortes de musiques qu'on essaye de mettre en place avec la voix du comédien pour différencier tout à fait clairement le conférencier, le psychiatre et le patient. Ensuite, on organise des allers-retours sur le plateau, des mouvements pour essayer de distinguer les temps, parce que c'est un temps long. Il y a une quarantaine de séances chez le psychanalyste qui vont peu à peu permettre à ce patient de se reconstruire, et c'est bien ce qu'on appelle la magie lente, c'est-à-dire l'ensemble de ces séances de psychanalyse qui vont peu à peu faire jaillir la vérité. Qui est le psychanalyste quand Louvier parle ? Est-ce que c'est le public ? Ou inversement quand... Alors la place du public, c'est une autre histoire, parce que le public lui aussi a différentes places et différentes relations à établir avec la scène elle-même. D'abord, le public, c'est le public du conférencier. Donc c'est un public de professionnels qui se rend à une conférence autour d'un diagnostic erroné qui va être remis en cause et réorganisé. Ensuite, ce même public devient le psychiatre Kemener, auquel Louvier se confie. Et ensuite, ce même public devient Louvier lui-même, auquel Kemener tente d'expliquer son point de vue sur le diagnostic mauvais qui a été établi préalablement. Donc le public organise évidemment le triangle entre le sujet, les protagonistes et les différents interlocuteurs. Il fait partie de ce triangle-là, il est tout le temps pris en considération, mais il change de rôle régulièrement. Et là, pour le coup, on fait appel à différentes adresses, là encore à différentes voix de Benoît Giraud, qui interpelle pendant un temps un public qui serait le public du conférencier, qui interpelle pendant un temps Louvier lui-même ou le psychiatre Kemener. Le public change de rôle. D'accord. Et est-ce que vous faites un lien entre psychanalyse et théâtre ? C'est un lien qui vous paraît naturel ou... Moi, je ne suis pas capable de faire ce lien, parce que je n'ai pas de connaissances en matière de psychanalyse. D'accord. Je n'ai qu'une connaissance de patients, mais je ne suis pas... je ne connais pas la psychanalyse du tout. Le lien que nous faisons, c'est cette fichue magie lente. Et c'est pour ça que le titre du spectacle de Denis est bien choisi, et si bien choisi, c'est que la magie lente en psychanalyse, c'est la révélation peu à peu de la vérité, peu à peu d'une vérité. Et le théâtre, il devrait pouvoir aussi servir à ça, c'est-à-dire sur le plateau, transformer un projet théâtral en une sorte de laboratoire de la catastrophe, qui permet d'y voir plus clair dans la catastrophe humaine. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisqu'on va voir sur le plateau s'exposer une catastrophe et sa résolution. C'est un thème auquel vous avez déjà été confronté lors de votre carrière ? La psychanalyse ? Non, jamais. C'est une nouveauté ? Non, jamais. Non, ça n'a jamais été un sujet. Donc vous êtes également un auteur reconnu, vous avez mis en scène vos propres pièces. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le fait de mettre en scène ce qu'on a écrit et le fait de mettre en scène l'œuvre de quelqu'un d'autre ? Non, il n'y a pas de différence, c'est simplement exactement le contraire. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mettre en scène ce qu'on écrit, c'est... prendre la décision de mettre à distance ce qu'on est dans l'écriture pour le déconstruire, le reconsidérer, organiser un autre relief. Alors que mettre en scène le texte d'un autre, c'est forcément apporter un point de vue qui est un point de vue personnel et qui ne peut se faire que si on est en admiration devant le texte qu'on porte, en admiration pour le texte en question. Et là, en l'occurrence... mettre en scène un texte de Jean-Luc Lagarce, ce qui m'est arrivé, ce texte de Denis Lachaud. J'ai mis en scène un texte de Stéphane Guérin. Je vais probablement mettre en scène un texte de Jean Genet. Je me retrouve dans une position beaucoup plus agréable parce que je suis dans un exercice d'admiration beaucoup plus évident que face à mes propres textes pour lesquels je n'ai pas d'admiration et que je cherche à contredire, à contrefaire ou à détruire quand je la mets en scène. Et si je la mets en scène, c'est parce que je voudrais simplement que quelqu'un le fasse. Et en l'occurrence, bah, c'est moi. Dans l'essai que vous avez publié, qui s'appelle « L'effort d'être spectateur », vous vous interrogez sur le rôle que le spectateur a à jouer dans la représentation théâtrale. Dans la magie lente, il y a une sorte de rengaine, des répétitions d'obscénités qui sont proférées par M. Louvier comme pour se confronter au traumatisme qu'il a vécu. Est-ce que ça demande un effort d'être spectateur de la magie lente et de se confronter à cette parole, vous pensez, à répétition ? Honnêtement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la difficulté du texte. La difficulté du texte, c'est d'éprouver, d'être spectateur, voyeur de la douleur, de la violence, de la souffrance, de la catastrophe humaine que représente ce personnage, M. Louvier. Elle passe par moments par un langage extrêmement cru, extrêmement direct, évidemment. Mais je ne pense pas que le langage soit un problème. Si le langage est un problème pour le spectateur, alors c'est qu'il n'est pas digne d'être là, le spectateur. Le spectateur, il va être confronté à des choses beaucoup plus difficiles, violentes et douloureuses qui sont une chose que nous connaissons tous, qui est la catastrophe d'un individu violé pendant son enfance. Et ça ne peut plus être un sujet tabou, ça ne peut pas être un sujet caché. Il s'agit d'inceste, il s'agit de viol, il s'agit d'abus sexuels, il s'agit d'une société aussi, puisque le texte parle bien de ça, d'une société entière, la société des psychiatres en l'occurrence, à travers un personnage de psychiatre qui refuse d'accepter la possibilité qu'un homme a été violé pendant toute son enfance et qu'il ne l'entend pas, qu'il ne le voit pas, parce que ça ne peut pas entrer dans son champ, dans son cadre, dans sa normalité. Et c'est ce cadre-là qu'explose la pièce. C'est ça que le spectateur doit accepter, doit entendre et comprendre, même s'il doit avoir affaire à un langage, en effet, peut-être cru, dérangeant, mais... Vraiment, je ne pense pas que ce soit la difficulté du texte. Vous avez monté l'an dernier les éprouvés avec une troupe d'amateurs. Qu'est-ce que ça a apporté à votre façon de mettre en scène ? Moi, ça m'apporte beaucoup de choses à plein d'égards, de travailler avec des individus différents, qu'ils soient amateurs ou professionnels. L'enjeu avec les professionnels, il est peut-être un tout petit peu plus périlleux, parce que la question économique se pose, parce que la question c'est la question économique, c'est la question de la responsabilité financière qui s'impose dans le cadre professionnel selon les modalités de production où on s'inscrit. Avec les amateurs, c'est autre chose. On est vraiment dans un travail qu'on peut dire gratuit, un travail pur, où on est débarrassé de toute cette contingence, on est uniquement dans le travail, dans la recherche, dans la fête immédiate d'un travail qui n'a pas de cadre commercial, ni lucratif, ni marchand d'aucune manière, donc il est sans pression. La seule pression, c'est la qualité du travail, c'est la qualité des relations et des échanges. Alors ça, c'est formidable. Et puis avec les amateurs, j'ai pu, là, pour les éprouver, travailler avec un groupe d'une trentaine de personnes. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que dans le cadre professionnel, des distributions à 10, 20, 30 ou 40 personnes sont très exceptionnelles, si ce n'est inexistantes. Et alors là, c'est un autre travail, un travail avec un groupe qui s'est d'ailleurs soudé, qui s'est très bien entendu. J'espère que ce travail pourra être repris, parce qu'on a tous, je crois, adoré... Se rencontrer et puis travailler autour de ce projet. Donc ce qui change, c'est vraiment l'absence de risque, la gratuité du geste et la beauté du geste, avec des gens d'un engagement très puissant. Au Théâtre de Belleville, on a aussi développé cette chaîne de podcast pour parler aux jeunes compagnies. Qu'est-ce que vous auriez à dire à une très jeune compagnie qui est sur le point de mettre en scène son premier spectacle ? Bon, mais j'aurais mille choses à dire, c'est très compliqué, évidemment. C'est très compliqué. J'aurais mille choses à dire. Restez toujours libre. aller voir ce que font les autres pour faire exactement le contraire ou pour faire exactement autre chose. Rester toujours libre, s'acharner, travailler tout le temps, ne jamais avoir un projet mais en avoir 12, poursuivre, continuer malgré tout, et inventer tout le temps, inventer, s'obliger à inventer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous, vous avez des projets en cours ? Ah oui. Là, je joue le soir avec Judith Magre une pièce de Philippe Mignana au Théâtre du Poche Montparnasse. Je vais reprendre La Nostalgie des Blattes au Petit Saint-Martin. Je vais reprendre Sur les cendres en avant ici au Théâtre du Rond-Point. Et j'écris une pièce, puis une deuxième en ce moment. Et j'écris aussi un roman qui sera bientôt publié. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.